faz assim pra mim, ou existir aux émotions qui me traversent sans arrêt. Je suis encore un peu léger, trop d'amour et de haine, trop de violence qui m'entraîne au bord du gouffre. Ça y est, je suis, il faudrait briser mes chaînes. Me libérer, me laisser respirer. Je suis fragile, il faut me protéger, me protéger, m'éloigner de la ville. Et puis beaucoup m'aimer, beaucoup m'aimer. Je ne suis pas encore guéri, pas complètement détaché. Ventre qui m'a nourri pendant des mois, presque une année. Y'a trop de liens, de relations, trop de considérations, de non-dits, d'actes manqués, de dialogues à peine entamés. Trop de pression, trop de tension, je suis fragile, il faut me protéger, m'éloigner de la vie, et puis beaucoup m'aimer, beaucoup m'aimer. Je suis fragile, il faut me protéger, éloigner.